once more, it's nuisances. Nuisance est encore là, une fois de plus, pour mourir. C'est le 8 novembre 2013. Nous sommes un vendredi, comme tous les vendredis, de 21h à 23h. L'émission Nuisance bat son plein, devrais-je dire. Non. Je ne devrais pas dire et je ne dirai pas. Ce soir, Nuisance est là pour vous. Pour vous enculer. Car Nuisance s'encule soi-même. Eh oui. That's all we want to do. We want to fuck each other. That's the whole thing about it. We want to just take each other up the ass and all the whole fucking time just come in their faces. Yeah, that's the whole thing about it, you know? That's what we want, you know? Alors je disais au mec, ouais, tu sais, ton cul là, il pue de la merde et tout, et tu devrais te torcher avec. Et, ouais, le mec il me dit, ouais, c'est clair, t'as raison. Et c'est là où le mec là, il se fout un truc, tu vois ce que je veux dire? Où, hein? Dis-le, où il se le fout? Où il se le fout? Où, hein? Dis-le. C'est l'horreur, la vie c'est de la merde. Moi je les encule tous. Moi aussi, ouais, je m'encule, ouais. Et qu'ils aillent se faire foutre. Qu'ils aillent se faire foutre dans le rouge. C'est ça le prix de micro. C'est fini, ces nuisances. C'est dans le rouge maintenant. Dans le rouge. Dans le rouge sang. Le sang est cool, à flot, comme le sperme et le foutre. C'est la même chose, je sais, mais j'ai envie de le dire quand même. Le foutre, c'est cool. En fait. Comme le sang, 100% cuit du mou. C'est des cuits du mou partout, je les vois, ils sont là, cuits du mou, et j'ai envie de les tuer. Je me tue en même temps que je me le dis, que j'ai envie de les tuer. Je me tue, et c'est bon à mourir. De mourir. Il est 21h30 à Toulouse, 40 rue Alfred Duméril, 31 400, France. Vous pouvez nous envoyer du courrier, mais peu de gens parlent français sur le net. Ils parlent plutôt anglais, c'est pourquoi nous orientons plutôt notre public, vers un truc un peu plus développé, quoi, que des gens qui écoutent un espèce de poste de radio tout pourri qui grésille. Nous, on est différents en nuisance. Nous, on oriente notre public sur le net. Parce que le net, c'est payant, d'abord, première chose. Et deuxième chose, c'est que, comme ça, on les encule, les gens qui nous écoutent, en fait, parce qu'ils payent la redevance. Tu vois ce que je veux dire? La redevance. En fait, ils nous doivent quelque chose. Ils nous doivent quelque chose. On est en train de faire quelque chose de bien, tu vois. Je fais quelque chose de bien, vraiment. Découvre ce que c'est que la musique, la vraie musique, le bruit, c'est la vraie musique, vous comprenez? Non, vous n'avez toujours pas compris, je le savais, c'est ça qui est beau avec la vraie musique, c'est que c'est du bruit. C'est nous qu'on est du bruit, nous qu'on est. Et là, normalement, dans quelques secondes, vous aurez une espèce de machine qui passera de la musique à la place du silence, si on attend assez longtemps. Mais nuisance, on aime bien faire chier, alors on se dit que cette machine, elle sert à rien et qu'on va remplir le silence avec du bruit. Bonne idée, non ? poésie ce soir. Alors, il y avait un oiseau qui patrouillait dans le champ, dans le cul du quartier, avec un fion doré. Et la merde, elle chantait, la merde, je m'en souviens, c'était beau. C'était beau, comme un troufion bleu, un bleu bitouais. Un bleu bitouais, c'est beau, c'est comme un mec ou une meuf qui a une bleubite, c'est tout, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça veut rien dire ce que je dis, parce que le bleubite, c'est moi le bleubite avec un fion dans la bouche dorée qui pustule la latence. D'une inanthropie dorée, odeur de morue, salé comme le foutre. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net si vous venez de nous rejoindre. C'est Nuisance qui va son plein. C'est génial. On kiffe la vie ici. On s'amuse trop. On se marre. C'est trop fort. Qu'est-ce qu'on rigole? Ouais. Je voudrais même dire plus, juste deux choses, mais c'est pas possible. Ah, c'est trop beau ce que tu dis. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et aussi, je trouvais qu'il y avait des trucs à rajouter par rapport à l'essence même. L'essence, c'est vachement important pour moi. Ouais, carrément. L'essence, c'est même c'est l'essentiel, on n'a qu'à dire. On se comprendra bien. Puis pour juste comprendre, il serait bien donc d'avoir un avis sur la chose. La chose, voilà, c'est ça. Voilà, c'est cool. La chose, c'est que la sodomie anale n'est qu'un pléonasme. Évidemment, c'est anal la sodomie. Ça n'a aucun rapport. Pourquoi parler de sodomie anale alors que la sodomie elle-même, est anale? J'hésite pas à vous le dire, car oui, il se trouve que dans les sombres contrées d'une autre galaxie, un être énuméré ne peut pas combiner les choses sans comprendre. Comprendre. Vous voyez? Alors je vous le dis. Eh oui, c'est pour ça que je vous l'explique. Mais oui. C'est cool, non? De ma part, je veux dire. C'est sympa. On va pas, hein? On va pas discutailler. On va pas discutailler pendant des heures, c'est gentil, c'est un geste d'humanité, comme on dit, que cette émission-là. Thank you, my dear fucking lord, fuck. Fucking the fuck, fucking lago, look, fucking, fuck, fucking. Fucking the fucking, fucking lord, fucking, fucking lord. Fucking the fucking, fuck, fuck, fuck, fuck. Thank you, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, thank you. Fuck. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les condits maintenant, les condits maintenant, les condits maintenant, les condits maintenant, les condits maintenant, les condits maintenant, les condits maintenant, les condits maintenant, ouvert maintenant, les condits maintenant, maintenant, pas maintenant, toi, maintenant, maintenant, le gouvernement, le dit, ma tête, le. Il est presque 22 heures. Et après 22 heures, on dit de la merde. Les condits maintenant. Les condits maintenant. Ouais. Les condits maintenant. Les condits maintenant. Les condits maintenant. C'est comme ça. Les condits maintenant. Les condits maintenant. Les condits maintenant. Les condits maintenant. Les forces françaises

de se rendre à l'ennemi. Pas le droit. Bienvenue, c'est un morceau qui s'appelle Pas le droit de se rendre à l'ennemi. Il dure 17 minutes et 24 secondes. Pas le droit de se rendre à l'ennemi. Pas le droit de se rendre à l'ennemi. Pas le droit de se rendre à l'ennemi. Pas le droit de se rendre à l'ennemi. Pas le droit de se rendre à l'ennemi. Pas le droit de se rendre à l'ennemi. Pas le droit de se rendre à l'ennemi. Pas le droit de se rendre à l'ennemi. Pas le droit de se rendre à l'ennemi. Pas le droit de se rendre à l'ennemi. Pas le droit de se rendre à l'ennemi. Pas le droit de se rendre à l'ennemi. Il était bien ce morceau. Maintenant, on passe à un autre morceau. Un morceau moins bien. Un morceau pire même. Je dirais même qu'après 22 heures, on peut même dire un morceau de merde. C'est un morceau qui s'intitule La merde dans le fion. Et ça s'appelle LA espace MERDE espace DANS espace espace fion parce que finalement. Voilà, et c'est ça, c'est là où je voulais en arriver. C'est que finalement, qu'est-ce que ça peut foutre? Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis souvent, non mais qu'est-ce que ça peut foutre? Enfin, tu vois, enfin non, peut-être que je suis pas assez clair. Je vais essayer d'être plus clair. Alors, disons. Disons. C'est pas clair. Comme ça, je vais éclaircir. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Non, c'est vrai.

est foutu! Thank you. l'éternité, ça s'arrêtera jamais. Et on va crever enfin pour recommencer, pour jamais s'arrêter. Et c'est la peine de mourir, s'il te plaît, donne-moi une chance de crever l'abcès purulent que je suis. Et maintenant, j'ai raté ma chance. On est vraiment que de la merde. Que de la merde. Vivement crevé. Crever l'abcès purulent qu'on est toujours au début et on meurt à la fin pour recommencer encore la même merde. Repartir à rien du tout qu'on est. On est rien, on est rien, on est que de la merde. Plutôt crever. Crever, ouais. Crever toujours, ouais c'est bon ça. Ouais crever c'est bon parce qu'en cul merde tu jettes, tu vas t'enculer bâtard. Merde qui pue le cul, je t'encule moi-même parce que j'ai du respect pour toi. Personne d'autre va t'enculer, toi c'est moi. Moi qui baise le cul d'enculé de race pourrie de merde qui pue le chiotte. Je suis une sale fiotte et je m'encule même. C'est vrai ce que je dis. Merde. De l'islam, nous vous présentons la cassette numéro 5, L'amour de Dieu, de la collection Commentaires du Coran. A'udhu billahi sami al-alim min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. ومن يسلم فلم تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوه ايها الاخوات احييكم بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Immédiatement commencer par le tafsir et on vous a remis le document qui vous présente justement que nous allons parler aujourd'hui du tafsir de la sourate Al-Imran, versets 24 à 32, 26 à 32, donc une 8 versets importants et qui poursuivent ce que pour certains d'entre vous avez remarqué, j'espère, inchallah, c'est que depuis le début des cours, il y a une progression dans le choix des versets et le choix des passages. Et j'en profite pour dire une toute petite chose que j'aimerais qu'elle soit retenue par les frères et les sœurs par rapport au tafsir. Quand il s'agit de tafsir, effectivement, pour ce qui concerne... Oui, donc bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est une nuisance, l'émission qui nuit au sens, dans tous les sens du terme, l'émission de toutes les nuisances. Nuisance, c'est une émission de nuisance qui nuit, qui nuit. Sans nuire, c'est pas possible, donc il faut absolument nuire, donc c'est nuire qu'on fait, voilà, ici. Il est évident qu'il est normal. Merci. Et donc, voilà, nuire, donc c'est toujours le top du top. Et par rapport aux circonstances de la révélation, et par rapport à la langue et à la compréhension. Ne serait-ce pas vrai, peut-être, que nuire, c'est justement la vérité essentielle. Commentaire ou de tapir, essentielle. C'est systématiquement de dire juxtaposé à la vérité jusqu'à minique, j'ai envie de dire, à un moment donné, la vérité délirante. Dit dans la compréhension du Coran, les deux à la fois. Est aussi lié au moment où ils c'est le donc lisent, lié. Et dans les circonstances où ils le lisent. Lié. La particularité du tapir, les choses sont liées. C'est une nouvelle loi, c'est ça y est. On est lié. Systématiquement, le Coran. Alors que le Coran, moi j'en ai rien à foutre. Ça pourrait être la Bible, ça pourrait être la merde, ça pourrait être le fion. Mais, à côté de ceci, mais ça change rien. Il y a toujours à garder mais la relation contre, vivante. Ce qui est important, c'est et que le certains lien. Parfois disent oui, mais tu fais une interprétation par rapport à notre le situation. Lien. Bien entendu, le Coran est éternel pour tous les temps et tous les lieux. C'est par rapport à notre situation. Le lien nous, est difficile à en comprendre. Et vous, en particulier dans la situation qui est la vôtre ici à Paris et dans les alentours, il faut garder cette relation vivante avec le Coran. Dans le Coran. Raison pour la. Cher de ce siècle, quel est le commentaire? Ah, ça nous était facile. Quel est le... Il n'a pas dit. C'est important parce qu'il s'est dit référence. Ton cœur, parce qu'il faut que tu gardes cette relation vivante avec le Coran pour ton cœur. Pas... d'explication qui met un qui met en tel que nous en faisons l'exégèse, je me réfère pour des circonstances évidemment à des savants, mais en même temps on fait une analyse qui correspond à notre situation. Petite introduction terminée. Dans le passage qui nous est donné, vous vous souvenez que la dernière fois nous avions parlé de Razoued Bed. Ici Ibn Hisham radiallahu anhu, dans sa recension, a relevé que selon lui, c'était des les huit versets que nous avons ici étaient plutôt à situer en l'an 9, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la délégation des chrétiens de Najran. Après étude, que ce soit Suyuti ou quelques autres savants, ils ont plutôt mis en évidence le fait que cette révélation était en l'an 3, c'est-à-dire soit juste avant, soit juste après Razwet Uhud. Et la plupart ont retenu l'idée que c'était après Razwet Uhud pour le contenu dont nous allons parler. C'est rien, c'est de la nuisance. Nuisance, l'émission sur Canal Sud 92.2 FM, une radio d'origine est toujours libre, autant que je sache. Associative et à but non lucratif. Après c'est sur 92.2 FM à Toulouse ou sur www.canalsud.net et que c'est un échec. Sur le web, dans les le web défaite, qui est plus tard, enfin qui sur le plan enfin, moral et sur le plan du contenu, c'est quoi ce truc ça appartient à qui hein ça appartient à qui le web? Mais c'est une défaite dans les faits et les musulmans. Les compagnons du prophète Aïssatouassalam vont se poser la question. Comment se fait-il que nous qui portons cette vérité, qui avons cette révélation, nous soyons défaits de cette façon-là, et que ceux qui justement n'ont pas de révélation, qui sont polythéistes, puissent gagner, et que Allah lui redonne la victoire sur nous? Comment ça se fait? Comment se fait-il finalement qu'il y ait des choses incompréhensibles pour notre tête qui se passent sur cette terre? Que celui qui n'est pas avec Dieu gagne et que celui qui donne tout pour Dieu perd. Comment? Ça vous dit rien ça? 1998 à Paris, les musulmans, comment se fait-il que dans notre communauté ce soit la pagaille et qu'à l'extérieur, il y en a qui réussissent tout le temps? Quand leur conférence commence, elle commence à l'heure, vous voyez ce que je veux dire, quand ils font quelque chose, ils le font bien. Bien, eh bien, cette question, elle est de tout temps pour tous les musulmans, elle a toujours traversé notre cœur, c'est-à-dire de se poser la question vraiment, pourquoi nous, qui avons cette perle, qui avons cette vérité, eh bien nous échouons et que d'autres réussissent. Et comment expliquer un échec? En fait, ceux des compagnons après Razoued Uhud se posent la question qu'on se pose en toutes circonstances, nous autres, les musulmans. Eh bien, la réponse, regardez, c'est ces huit versets qui sont d'une construction et d'une progression absolument édifiante, si on s'y arrête. Et je vous demande vraiment, après ce cours, même quand vous êtes tout seul à la maison ou en groupe, de revenir à ces versets et de les travailler en compréhension et en profondeur. Vous imaginez bien que dans un tafsir de 20 minutes, il ne soit pas possible de tout dire, mais essayons d'en dire quelque chose. Et c'est parti. Et la solution diverge, la tendance obscurcissante de l'antre du fabuleux désir d'être. L'élan est lancé de peu, toujours continué sur une longueur d'avance, puis rien. Ainsi va le temps qu'il se redépasse au fini, pour rien dire, pour peu. Que l'on dise chose et autre, car rien n'est tranquille sur la voie choisie, que l'obsédante passion est autre. Ainsi va la vie, pour peu qu'il y ait obsédance, pour ainsi dire, jamais que, mais pourtant. L'autre n'est pas la gratifiante possibilité de l'une ou l'autre, pour ainsi dire. Jamais que l'audace ne traverse l'obscurantisme, le rien. Bientôt 23h et c'est habituellement la fin de l'émission de Nuisance. Mais non, allez vous faire enculer quoi. Il n'y a pas moyen, j'ai commencé une demi-heure en retard à cause de l'émission d'avant. Mais franchement, c'est que des bâtards ces mecs et ces meufs là. Ils arrivent avec une demi-heure de retard, ils finissent avec une demi-heure de retard. On peut pas s'exprimer tranquillement, en liberté. Hein. Et bah merde, voilà, je dépasse, rien à foutre. Voilà. À peu près dans les formes de la vieille société, la cause de toutes les misères humaines et de tous les déboires. Par quoi la vérité finit par être placée sur la tête. Ce à quoi ils tendent de toutes leurs forces, c'est le bonheur général des troupeaux sur le pâturage, avec la sécurité, le bien-être et l'allègement de l'existence pour tout le monde. Les deux rengaines qui chantent le plus souvent sont d'égalité des droits et pitié pour tous ceux qui souffrent, et ils considèrent la souffrance elle-même comme quelque chose qu'il faut supprimer. Qui voyons les choses sous une autre face, nous qui avons ouvert notre esprit à la question de savoir où et comment la plante homme s'est développée le plus vigoureusement jusqu'ici, nous croyons qu'il a fallu pour cela des conditions toutes contraires. Que chez les hommes, le danger de la situation homme grandit jusqu'à l'énormité, le génie d'invention et de dissimulation, les hommes, sous une pression et une contrainte prolongée, se développent en harmonie et en subtilité. La volonté de vivre se souvient jusqu'à l'absolu de l'innocence. Nous pensons que la dureté, la violence, les avalages, les périls dans l'âme et dans la rue, la dissimulation, le stoïcisme, les artifices et les diaboliques de toutes sortes, de tout ce qui est mauvais, terrible, tyrannique, tout ce qui chez l'homme tient de la bête de proie et du serpent, servent aussi bien à l'élévation du type homme que son contraire. Et en ne disant que cela, en ne disant pas assez, car tant par nos paroles que par nos silences en cet endroit, nous nous trouvons à l'autre de toute idée originelle, de tout désir. Serions-nous peut-être les uns et les autres de ceci ? Quoi d'étonnant si nous autres esprits ne sommes pas précisément les esprits les plus communicatifs ? Si nous ne souhaitons pas nous révéler à tous égards de quoi un esprit peut se libérer et où il sera peut-être poussé ensuite. Pour ce qui est de la dangereuse forme de l'humanité animale, nous sommes tout autre chose que des libérés dans les atouts, et quels que soient les noms qu'elle a sur les séquences, les protèges et les modèles. Familiers dans beaucoup de provinces de l'esprit dont nous avons, pour le moins, été les autres, nous échappons toujours des réduits obscurs et agréables, les préférences et les préjugés, la jeunesse, notre origine, le hasard des hommes et des vivants, le même et la situation des pèlerinages paraissent en mode lumière. De la vie sans face des séductions de la dépendance qui se cache dans les oreilles, dans l'argent, les fonctions publiques ou l'exaltation des sens, reconnaissant même à l'égard du malheur de la vicissitude de la maladie, puisque toujours débarrassé d'une règle et du préjugé de cette règle, reconnaissant l'ordre, le diable, la brebis et le verre qui se cachent, curieux jusqu'au vice, chercheur jusqu'à la cruauté, avec des lois ou passions pour l'insaisissable, avec des dons et un estomac plus humiliant. Indigestes, prêts à n'importe quel métier qui demande de la sagacité et des sensibles, prêts à n'importe quelle aventure grâce à un excès de libre jugement, possédant des âmes antérieures et postérieures dont personne ne pénètre les dernières intentions, des premiers tons et des arrière-plans que nous ne serons pas courir. Cachés sous le manteau de la lumière, nous sommes des conquérants, bien que nous paraissions. semblable à des héritiers, à des dissipateurs, classeurs et collectionneurs du matin au soir, avares d'une richesse et d'un casier débordant, économes à apprendre et à oublier, inventifs dans les systèmes, quelquefois orgueilleux de tables de catégories, parfois pédants, parfois nocturnes pour le travail, parfois épouvantail aussi, quand il le faut, et aujourd'hui il le faut. Je le dis en tant que nous sommes les amis de la solitude, amis innés, jurés et jaloux de notre propre solitude profonde de midi et de l'heure. Voilà l'espèce d'homme que nous sommes, nous autres esprits divins. Et peut-être êtes-vous aussi, vous qui viendrez dans l'avenir, vous, les nouveaux philosophes. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui bat son plein à son habitude. Il est à peu près 23h et quelques minutes. Et vous écoutez la radio libre française. Vive la patrie, vive notre nation française de merde, je l'encule. Autrement dit, je ne suis pas nationaliste. Thank you. Ah, tu m'as pas résisté. plastique sur les 5 mm. Yeah. Welcome, bienvenue, vous écoutez Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. Ouais, Nuisance. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Et c'est fini. À ce qu'ils instaurent chaque jour. On...